France Inter. Il est 8h56, François Morel, vous êtes en duplex de Lyon et c'est à vous. Les gens ne passent rien à Coca-Cola. C'est marrant, on s'acharne sur Coca-Cola sous prétexte que c'est une grande firme américaine qui fait des gros bénéfices alors qu'on n'exprime jamais de critiques vis-à-vis de Brescola ou de Auvergnat-Cola. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de xénophobie dans cette attitude ? Je suis désolé, mais le Coca-Cola, c'est bon. Pas forcément pour boire, mais par exemple pour faire les cuivres. Ma cousine Janine dit toujours que quand on a une bassine à confiture très oxydée, il n'y a pas plus efficace que le Coca-Cola. La semaine dernière, parce que les gens, vous savez ce que c'est, ils cherchent toujours la petite bête, on reprochait à la grande firme américaine d'être sponsor de la COP27 sous prétexte que ce n'est pas au premier pollueur plastique au monde de financer un tel rassemblement. Et alors, je suis désolé, c'est comme si on faisait le reproche au clergé de financer des établissements destinés à la jeunesse. Ce qui est avantageux, c'est que Coca-Cola distribue de l'argent tous azimuts. Il sponsorise aussi bien la COP27 que la Coupe du Monde de football au Qatar, qui débute dimanche. Et là, peut-être vous direz, ça paraît plus logique. C'est comme si le clergé finançait des voyages touristiques en Thaïlande. Comme vous êtes très exigeant en tant qu'auditeur, vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment très judicieux de mettre en parallèle le clergé et Coca-Cola, qui sont quand même des entités assez différentes. Attention, je suis pas complètement idiot, je vois bien qu'il existe entre les deux des différences très nettes. D'ailleurs, si le vin de Metz était remplacé par du Coca-Cola, je pense que la crise des vocations serait encore plus patente. Non, ce que je veux dire, c'est que quand la firme Coca-Cola sponsorise la COP27 en même temps qu'elle continue à polluer partout dans le monde de manière industrielle, c'est un peu comme quand les prêtres continuent de se conduire de façon répréhensible, comme dirait l'euphémique Monseigneur Ricard, tout en indemnisant les victimes des crimes sexuels. Coca-Cola produit 120 milliards de bouteilles en plastique jetables par an, fabriquées à partir des combustibles fossiles, mais il faut bien faire des bénéfices pour réfléchir à la façon de moins polluer et à la crise climatique. Personnellement, j'ai décidé de boycotter la Coupe du Monde 2022. Pas spécialement à cause du fait que c'est au Qatar et que c'est une absurdité écologique, qu'il y a déjà eu des milliers de morts sur les chantiers, que de nombreux travailleurs étrangers n'ont pas reçu de salaire, que les droits de l'homme y sont bafoués, mais je vais boycotter parce que je suis pas spécialement intéressé par le foot et que depuis des décennies, personnellement, je boycotte les stades sans trop de souffrance. Tiens, pendant que j'y suis, dimanche prochain, je vais aussi boycotter la messe. François Morel, merci. Les infos à suivre sur Inter. France Inter.